Nico Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici quelques titres de ce journal. 5 cas de viol ont été rapportés en l'espace d'une semaine, la semaine dernière en commune Manda. La situation inquiète les administratifs locaux, surtout que ce sont des cas de viol sur mineurs. Et puis 36 localités du pays, dont 23 chefs-lieux des communes de l'intérieur du pays, seront électrifiées par la régie des eaux sur 2 ans. 4000 ménages sont concernés. Le projet coûtera 1 milliard et 700 millions de francs burundais. Notre reporter nous conduira en commune et province Rutana à la découverte d'une jeune fille qui apprend la soudure. Vous l'entendrez dans ce journal que nous terminerons par la chronique santé. Aujourd'hui, nous vous proposons une rediffusion sur la précocité sexuelle. Voilà pour les grands titres. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour. 36 localités du pays, dont 23 chefs-lieux des communes de l'intérieur du pays, seront électrifiées par la régie des eaux sur 2 ans. Le projet d'électrification sera financé à hauteur d'un milliard et 700 millions, à plus d'un milliard et 700 millions de francs burundais. Et près de 4000 ménages sont concernés par ce projet. Le même rapport produit par le ministère en charge de l'énergie et la régie des eaux montre que l'énergie électrique devrait augmenter de 200% de 2020 à 2026. Les détails avec Mireille Kanyang. Ce rapport du projet d'électrification des 36 localités datant de mai 2021 montre que ces dernières années, des centrales hydroélectriques de l'intérieur du pays et de la région sont en train d'être construites. La capacité installée en énergie électrique va augmenter et passe de 78,7 MW en 2020 à 239 MW en 2026. Cependant, il y a un risque de se retrouver avec un excédent d'énergie électrique en raison des infrastructures inadéquates ou inexistantes de distribution de cette énergie. C'est un problème que vient résoudre ce projet d'électrification, selon ce rapport, qui touchera près de 4000 ménages sur 482 hectares, des arbres fruitiers, des eucalyptus ainsi que des cultures chiffrées à plus de 69 000 qui seront affectées par le dit projet. La compensation se compte à plus d'1,2 milliard de francs burundais et l'article 18 de ce projet précise qu'il n'y aura pas de travaux dans la zone non encore compensée. Exécuté sur 2 ans à partir de janvier 2020, ce projet sera financé à plus d'1,7 milliard de francs burundais. Il est soutenu par la Banque africaine de développement BAD. C'est un projet qui sera exécuté au chef-lieu des communes de Muhuta, Bugarama, Kabezi, Gansoro, Nyarusange, Buraza, Kibagovu, Gizo, Musongati, Giharu, Gitanga, Nyabitsinda, Kinyinya, Gisuru, Bweru, Chendajuru, Gisagara, Shombo, Butihinda, Gitera, Nyimwakiro, Buhinyuza et le chef-lieu de la commune Ndava. Ce projet d'électrification s'ajoute à la construction des barrages hydroélectriques, tant nationaux que régionaux, en cours de construction. C'est également un projet qui s'ajoute à cette énergie de 30 MW fournie par une centrale thermique, celle-ci résultant d'un contrat conclu en septembre 2017 entre la Régie des Eaux et un homme d'affaires burundo-tanzanien sur une période de 10 ans. Mireille Kanyangé, des eaux usées en provenance de la latrine du marché Kinama débordent l'espace réservé à la vente des bananes et des choux. Des commerçants y exerçant leurs activités disent être menacés par une odeur suffocante qui s'y dégage. Malheureusement, elles regrettent qu'elles n'ont d'autre choix. Le commissaire de ce marché tranquillise ses commerçantes et informe qu'à partir de ce mercredi, celles-ci seront installées dans un autre endroit pour enfin réparer la panne. Vestine Boutoyi, reportage. La place la plus touchée par ces débordements des eaux usées des latrines du marché Kinama se localise dans un endroit où se vendent des choux et bananes. Dans cette partie, les eaux suffocantes coulent jusqu'à la porte de la microfinance CCM implantée dans cette localité. Des commerçants rencontrés sur place disent que ce phénomène serait dû au bouchage des tuyaux qui conduisaient ces eaux usées vers leur destination. Certaines d'entre elles déplorent l'odeur nauséabonde qui s'y dégage et craignent des maladies qui pourraient surgir. Elles affirment avoir informé leurs autorités habilitées pour résoudre ce problème. Le commissaire du marché Kinama, Désiré Ndikumana, confirme avoir été mis au courant de la situation. Cependant, il tranquillise ses commerçantes qu'à partir de ce mercredi, celles-ci seront déplacées vers un autre endroit pour pouvoir enfin réparer la panne qui est à l'origine de ce débordement. Ce problème est là depuis des mois. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le viol sur de petits enfants prend actuellement de l'ampleur en commune Manda et les présumés auteurs sont souvent des hommes adultes. C'est un constat partagé ce lundi dans une réunion de sécurité de tous les chefs de colline. Au niveau de l'administration, on dénombre 5 cas de viol rapportés, non plus que la semaine dernière. Et un enseignant de l'école fondamentale de Rouziba, dans cette même commune, est en cavale depuis vendredi, après une tentative de viol contre son élève de 5e année. Les détails dans cette correspondance de Spes Caritas Cavagnana. Un enseignant de l'école fondamentale de Rouziba en commune Manda est en cavale depuis vendredi de la semaine passée. Il a fui après une tentative de viol contre son élève, une fillette de 12 ans selon les témoins sur place à Rouziba. Le présumé auteur avait enfermé la victime dans un stock de l'école et l'enfant a crié haut et fort. Les autres élèves sont accourus pour voir ce qui se passait. L'enseignant s'est directement évadé et il y reste introuvable jusqu'au aujourd'hui, comme le précisent les responsables scolaires. Les parents de la victime ont porté plainte ce lundi à la police pour que l'enfant puisse être soigné. Elle a du mal au niveau de la gorge et au niveau du visage où l'agresseur lui a infligé des coups pour l'empêcher de crier. Sur la colline Gawazi 1, un domestique a violé un enfant qui était resté à la maison quand les parents étaient au champ. C'était la semaine passée. Sur les collines de Moussegni et Rugenge, deux fillettes, une de 7 ans et une autre de 9 ans ont été violées par un inconnu. La semaine passée également, les responsables administratifs donnent un nombre de 5 victimes de viol enregistrées la semaine dernière. Au cours d'une réunion de sécurité tenue par l'administrateur de la commune Manda ce lundi envers les chefs de colline et les chefs de zone, on a déploré aussi l'irresponsabilité des parents qui sont accusés de ne pas bien encadrer leurs enfants qui se promènent même pendant la nuit dans les rues. Nadine Nibitanga, administrateur de la commune Manda, a également mentionné qu'il y a des parents qui envoient les enfants dans les brousses à la recherche du bois de chauffage alors qu'ils ne savent pas des incidents qui peuvent s'y produire. Spes Caritas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci, Spes. Et la population vivant dans différents coins de Chibitoke déplore la rareté de certaines denrées de première nécessité, en l'occurrence le sucre, le savon, l'huile de palme et les produits Braroudi. Cette population indique que là où ces produits sont trouvés, coûtent énormément cher. Et dans l'émission Aïwanyu Havugwamaki de ce lundi, les intervenants ont crié à la régulation des prix de ces produits de première nécessité. Vous aurez compris que ce n'est pas uniquement à Chibitoke, mais c'est à travers tout le pays. Suivez-les dans cette traduction d'Evariste. Les prix sont casse-tête ici chez nous. Le sucre est très rare. On ne voit plus de la bouillie. Le prix du savon a sensiblement monté, de même que celui de l'huile de palme. Il faut que les autorités concernées puissent voir comment réguler les prix. Les produits Braroudi sont aussi rares. Une fois trouvé la bouteille de Primus de 65 centilitres, s'achète à 2000 francs ou à 2200 francs. La bouteille d'Amstel coûte 2500 francs. Ici chez nous, les prix des produits Braroudi ont grimpé. La bouteille de Primus s'achète à 2000 francs. L'on ne sait pas pourquoi ces produits Braroudi sont aussi rares. Il faut que le gouvernement puisse revoir à la baisse les prix des tôles pour que la population puisse avoir de logements modernes. Il faut qu'une tôle coûte entre 10 000 et 12 000 francs burundais au lieu de 23 000 francs et plus. Ceux qui n'ont pas de moyens suffisants auront du mal à quitter les maisons en paille. Et les mesures de prévention contre la COVID-19, à savoir le lavage des mains avec savon, semblent aujourd'hui ignorées par la population dans différents lieux où se rencontrent plusieurs personnes. Et certains habitants de la ville de Bujumbura, au micro de la radio Isanganiro, reconnaissent que ces mesures ne sont pas respectées. Ils demandent aux autorités d'annoncer si la pandémie de COVID n'est plus ou si ces mesures ont été supprimées. Jean-Marie Mayonga a visité quelques endroits. Dans les différents endroits où se rencontrent plusieurs personnes et visitées, nous avons constaté que les mesures de prévention contre la pandémie de COVID-19 ne sont pas respectées. Certains habitants de la ville de Bujumbura disent que le lavage des mains avec savon et de l'eau ne se fait plus comme auparavant. Ils indiquent également que les objets comme les bidons remplis d'eau et du savon ne sont plus disponibilisés dans ces places publiques. Aujourd'hui, les gens ne respectent plus ces mesures comme avant. Tu peux passer dans plusieurs endroits, par exemple, dans cette place, tu peux trouver seulement trois places qui ont des seaux contenant de l'eau, ou même un seul bidon. Ils ne se lavent pas les mains comme d'habitude. Il y a de l'eau, mais c'est parce qu'ils ont vu que cette maladie a vraiment diminué. L'habitude de se laver de temps en temps a diminué. D'autres lieux visités où ces mesures sont respectés sont dans les hôpitaux où personne ne peut entrer sans se laver les mains et être testé s'il a les symptômes du COVID-19. Même constat dans certains marchés de Bujumbura, comme au marché City Market, où chaque personne qui entre dans ce marché doit se laver les mains. Ces habitants demandent d'être mis au courant si le COVID-19 n'est plus au Burundi ou si ces mesures ont été levées. Pourquoi les mesures ne continuent pas? C'est ce qu'on demande. Vous les journalistes, il faut approcher les autorités et leur demander si la maladie n'existe plus ou si les mesures ont été enlevées. Les mesures de prévention contre la pandémie de COVID-19 avaient été prises par le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida en vue de limiter la propagation de ce virus dans la communauté. Jean-Marie Mayonga, il est 13h08 à Bujumbura et sur Isanganiro. Un matériel constitué de ses ordinateurs portables et ses enregistreurs a été remis ce mardi à certains médias par le ministère en charge des médias. C'est dans le cadre du fonds d'appui aux médias et préférence a été donnée aux radios communautaires, radios confessionnelles ainsi que les médias en ligne et la presse écrite. Le président de l'ABR salue cette reprise d'appui aux organes de presse, indiquant la nécessité de faire plus aux prochaines occasions. Onésime Arubono indique que les médias ont besoin de la réduction des frais payés à l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications, une ligne électrique ne comportant pas de coupure et tout en aménageant des routes menant vers les montagnes qui abritent les installations. Des médias. Le ministre en charge des médias, Josiane Nijimbere, appelle les bailleurs à alimenter le fonds d'appui aux médias afin d'appuyer les dotations budgétaires prévues pour ce fonds. Les berges de la rivière Mouha et ceux du ruisseau Mimba menacent de s'effondrer. Le pont Mouha et le croisement de ces deux cours d'eau sont les plus menacés au moment où les maisons bâties à côté du chemin traversant vers Gatoke sont déjà démolies. Les habitants de la localité estiment que c'est à cause des eaux de pluie stockées dans le sol à ce niveau et demandent aux autorités de procéder urgentement à des travaux de réhabilitation de cet endroit. Omer Ndouayou. L'endroit le plus menacé est celui se trouvant près du pont Mouha, route Bujumbura-Rumonge. L'une des deux rives s'est glissée jusqu'à environ 2 mètres et l'autre jusqu'à environ 4 mètres. L'autre endroit menacé est le prolongement du pont de la rivière dite Mimba, quartier Kinanira, sur la route passant devant les locaux de l'école internationale. Les personnes rencontrées dans ces endroits pensent que ce glissement est dû aux eaux des pluies infiltrées dans le sous-sol à l'origine de son affaiblissement. Lorsqu'on avance un tout petit peu, dépassant la route qui conduit à Moussaga, le chemin qui liait les quartiers Gasekebouye et Gatoki n'existe plus suite à ces glissements des rives. De même, des maisons sont déjà démolies. Si rien n'est fait, la route qui mène vers Gasekebouye va tomber dans des oubliettes, trouvent les habitants de cette localité. Tous ensemble demandent l'aménagement de ces endroits déjà menacés pour sauver ce qui reste à sauver. Omer Ndouayo est le chef de la colline Gassassa en commune Guitaramoka de la province Karouzi, ainsi que le responsable des jeunes Imbonera Kouré, militant affilié au CNDD-FDD sur cette même colline, et sont au cachot du commissariat provincial de la police. Ils sont poursuivis pour un meurtre présumé d'un habitant de la localité, dont le corps sans vie a été retrouvé dans la rivière Nyabiho, dans cette commune. Le commissaire provincial de la police, Viziman Adonassien, déclare que ce dossier a été déjà transmis au parc. À la source. Reportage. Le reporter du jour nous conduit sur la colline Gassiogo de la commune et province Routana. C'est au centre des métiers de la fondation BNA où se trouve une fille qui apprend la soudure. Nadia Iradukunda encourage d'autres filles à apprendre les métiers. La direction de ce centre de BNA Routana trouve que cette fille est plus performante que certains garçons. Mariam Nizigama invite aussi d'autres filles à se faire inscrire dans des écoles d'enseignement des métiers. Eli Nibel Nibigira. Nadia Iradukunda, c'est une élève qui apprend la soudure. C'est une seule fille dans la section, d'autres sont des garçons. Quand elle a entendu parler de l'ouverture d'un centre de métier qui va dispenser des formations sur la soudure au centre de la fondation Bénin, commune et province Routana, Nadia Iradukunda a été intéressée. La directrice de ce centre a annoncé qu'on allait ouvrir un centre technique de soudure. Je suis résolue de cela et je me suis dit que j'allais l'apprendre. On m'a dit qu'il fallait se faire inscrire et je me suis fait inscrire. L'encadreuse d'ici s'était étonnée du fait que je faisais l'inscription dans la section de soudure. Elle était habituée d'accueillir les garçons. Elle m'a dit de m'informer tout d'abord et j'ai été enregistrée et je me suis retrouvée étant la seule fille dans la section. Aujourd'hui, Nadia Iradukunda invite d'autres femmes à s'activer dans l'apprentissage des métiers. À la fin de sa formation technique, elle ambitionne son atelier de soudure. Une fois formée, mon souhait est d'ouvrir un atelier afin de travailler pour mon propre compte. Les autres filles, je leur conseillerais de venir apprendre un métier, car c'est un gagne-pain. Je leur conseillerais d'éviter de rester à la maison croisant les bras. Le courage et les performances de cette jeune fille impressionnent Mariam Nizigama, directrice du centre des métiers de la fondation Bena. Selon elle, il n'y a aucun métier réservé uniquement aux hommes. Les jeunes filles, il faut qu'elles sachent qu'actuellement, la fille ou la jeune femme peut tout faire. Il n'y a rien qu'un homme peut faire que celle-ci ne peut faire. Que ce soit ses écoles de soudure ou bien d'autres sections qui seront ouvertes prochainement, elle est capable de tout intégrer. Je les invite à venir s'inscrire dans toutes les sections. Qu'elle ne se limite pas sur un seul métier, soi-disant qu'il est uniquement réservé aux femmes. Qu'elle sache que chaque métier peut être réalisé par n'importe qui. Le centre de formation technique de la Fondation Bena comprend 3 sections techniques, à savoir l'informatique, la couture et la soudure. Radio Isanganiro, chronique santé. Je l'avais annoncé au début de ce journal dans la chronique santé ce mardi, nous parlons de la précocité sexuelle. Selon les spécialistes, on parle de précocité sexuelle lorsqu'un garçon ou une jeune fille fait des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans. Le gynécologue Gilbert Nibitanga précise qu'il peut y avoir des conséquences liées à l'immaturité physiologique. Il cite entre autres le cancer du col de l'utérus chez les jeunes filles. Ornella Mucho nous a préparé cette chronique et c'est une rediffusion. Lorsqu'une fille ou un garçon fait des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans, on parle de la précocité sexuelle. Le gynécologue Gilbert Nibitanga précise que cela peut entraîner des conséquences dans leur avenir suite à l'immaturité des organes génitaux. Quand une femme ou un homme commence à faire des rapports sexuels d'une manière précoce, il y a d'autres conséquences à long terme. Par exemple, une femme qui commence des rapports sexuels précoces, son corps utérin n'est pas encore atteint à maturité, il peut être infecté par le virus qu'on appelle le HPV. Ce virus HPV est un virus cancérogène qui peut provoquer le cancer du corps. Mais même pour l'homme, quand un homme commence des rapports sexuels précocement, et surtout les hommes qui ne sont pas circoncis, il peut aussi contracter ce virus HPV aussi qui peut provoquer le cancer du pénis. Ce spécialiste ajoute que les jeunes sont plus exposés aux maladies sexuellement transmissibles, surtout lorsqu'ils ne se protègent pas. Une femme peut tomber enceinte, ça c'est la première conséquence. Et puis, elle peut aussi contracter des maladies sexuellement transmissibles, spécialement le VIH, SIDA, le syphilis, l'hépatite B, l'hépatite C. Sans toutefois oublier qu'il peut y avoir aussi une grossesse qui peut résulter. Et puis, l'enfant qui peut naître